Alphonse de Lamartine. Le coquillage au bord de la mer. À une jeune étrangère. Quand tes beaux pieds distraits errent, ô jeune fille, sur ce sable mouillé, frange d'or de la mer, baisse-toi, mon amour, vers la blonde coquille que Vénus fait, dit-on, polir au flot amer. L'écrin de l'océan n'en a point de pareil. Les roses de ta joue ont peine à l'égaler, et quand de sa volute on approche l'oreille, on entend mille voix qu'on ne peut démêler. Tantôt c'est la tempête, avec ses lourdes vagues, qui viennent en tonnant se briser sur tes pas. Tantôt c'est la forêt, avec ses frissons vagues, tantôt ce sont des voix qui chuchotent tout bas. Oh, ne dirais-tu pas à ce confus murmure que rend le coquillage aux lèvres de carmin un écho merveilleux où l'immense nature résume tous ses bruits dans le creux de ta main? Emporte-la, mon ange, et quand ton esprit joue avec lui-même, oisif pour charmer tes ennuis, sur ce bijou des mers, penche en riant ta joue et, fermant tes beaux yeux, recueille-en les bruits. Si dans ces mille accents dont sa conque fourmille, il en est un plus doux qui vienne te frapper et qui s'élève à peine au bord de la coquille comme un aveu d'amour qui n'ose s'échapper. S'il a pour ta candeur des terreurs et des charmes, s'il renaît en mourant presque éternellement, s'il semble au fond d'un cœur roulé avec des larmes, s'il tient de l'espérance et du gémissement, ne te consume pas à chercher ce mystère. Ce mélodieux souffle, ô mon ange, c'est moi. Quel bruit plus éternel et plus doux sur la terre, un écho de mon cœur qui m'entretient de toi ?